Bonjour à tous, c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël pour le podcast de l'Avent. Et oui, on est autorisé à utiliser un bout de la grange pour ouvrir chaque jour une case du calendrier et vous en faire un retour sonore. Souvent c'est des bêtises, mais des fois des surprises. D'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu qu'il y avait d'autres calendriers de l'Avent sonores. Ben, c'est que nous qui sommes le calendrier officiel du Père Noël et on va vous le prouver en ouvrant cette case numéro 21. 21 décembre. Allez, on ouvre la case parce que celui qu'on va retrouver est la star de Noël. Je suis sûre que vous avez deviné de qui il s'agit. Oui, celui dont on parle tout le temps. Allez, on ouvre la case numéro 21. Ah, bonjour, comment vas-tu? Je vais super bien. Et vous? Normalement, il y a le Père Noël, je l'attends. Il devrait pas tarder à arriver. Il a mangé, il a bu un bon chocolat, un pichet de vin chaud, il est allé se promener dans la forêt. Il devrait bientôt arriver, mais je m'inquiète un peu parce que c'est la tempête dehors. Ah bah oui, c'est vrai Matou, parce que normalement, il était prévu l'interview du Père Noël pour le podcast. C'est ça la grosse surprise. Donc tu me dis qu'il est allé faire un tour, il est allé digérer. Oui, on l'attend combien de temps? On l'attend, on peut l'attendre 5 minutes, 6-10 minutes. Ouais, d'accord. Bon, on fait une petite coupure pour les auditeurs, on se retrouve dans 5 minutes. On vous passe un petit peu de chanson de Noël, tiens. Alors Matou, ça fait 5 minutes, est-ce que le Père Noël est là du coup? Bah non, il est toujours pas là, je commence à m'inquiéter. Ouais, alors tu dis qu'il est parti quand même faire un tour dehors avec la tempête de neige. Il y avait pas la tempête quand il allait se promener, mais elle a commencé à se former et il était toujours pas revenu, donc ça m'inquiète quoi. Oui, alors c'est le calendrier de l'Avent, normalement c'est très joyeux, hein, et surtout que c'est un moment fort, l'interview du Père Noël, donc on est presque en direct. Alors j'ai pas envie que quand même les petits amis qui nous écoutent soient inquiets, hein. Le Père Noël, il connaît très bien le chemin, hein. Rassurez-vous, même qu'une fois on s'est perdu, il nous a retrouvés, il nous a aidés. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour dehors, peut-être pour aller à la rencontre du Père Noël. Donc on va ouvrir la porte. Oh là là, c'est la tempête, hein. On va essayer de le retrouver. Regarde, il y a les grosses traces, ces grosses chaussures, il suffit de les suivre. Ouais, faut pas que le vent m'emporte, je suis un petit peu petit. Oui, accroche-toi, il faut lutter contre le vent. Oh, j'espère quand même qu'il a pas pris froid, le Père Noël, là. Bah, de toute façon, il a un gros manteau en velours rouge, ça devrait aller. C'est vrai qu'avec ce manteau, il a jamais froid. Moi, je commence à avoir un peu froid, par contre. Allez, on se dépêche. Moi aussi. T'as entendu? Un loup. Oh, bah dis donc, c'est pas très rassurant. Et là, le jour baisse. Bon, on va se dépêcher. Ouais, faut vite qu'on se dépêche, sinon il y aura personne en plus pour distribuer les cadeaux. Que je propose, on va faire une petite coupure là dans le calendrier de l'Avent parce que ça se passe pas tout à fait comme on avait prévu. On va continuer à le chercher. Rassurez-vous parce que dès demain, on va réouvrir la case, il y aura une bonne surprise. Ouais, vous en faites pas, on va le retrouver, ce sera facile. Allez, à demain. Bon, on continue de chercher, hein. À demain. Salut.